des choses qu'il ne vaut pas oublier, d'autres qui valent du mal. C'est ma terre, c'est ma terre, c'est mon Graal, c'est mon Graal. L'histoire d'un regard, d'un espoir anonyme, je gratte mes rimes. L'histoire d'un hommage, d'un gage, d'une seule page de la vie, de ses envies entre l'enfer et le paradis. J'ouvre mon arme, ma force, la mienne et la tienne, le drame, l'écorce, le miel et son vinaigre. Trop longtemps ont été bafoués les lois de la liberté, loi réglée qui ont pouillé nos rêves. Ont trop longtemps dominé l'Éden sans trêve, sans pitié, sans gêne. On se contente, on ne contemple plus notre temple intérieur. Petite graine plantée n'aura fait pousser que la haine. Je te hais plus employé qu'un je t'aime. L'ego a coupé la parole au cœur et si haut, on ne vit plus qu'à l'heure. Tandis que la jeunesse veut voir l'avenir, l'adulte et son ivresse ne regarde que le passé, ne voit que ce qui ne peut nuire. Allons enfants de la terre mère, grandissons amenant la nouvelle ère. Il est un pouvoir enfoui au fond de nous, un espoir qui grandit au fil des jours. Oui, oui, je suis un enfant qui regarde la vie devant lui, qui la rêve, qui veut la vivre, qui s'enivre. Tandis que les grands me détournent et s'approprient mes biens, ne pense plus, m'élève pour du profit, m'enlève de ma vraie vie. J'ai tant rêvé de vert, j'ai tant rêvé du vie. Maintenant, vivons ces rêves, ce n'est plus que